peut-être avez-vous entendu parler de l'application Clearview dans les dernières semaines, une application de reconnaissance faciale qui promet de trouver toutes les images publiques disponibles d'une personne à partir d'une seule photo. Bien utile pour trouver les différentes photos de vous sur le web, mais aussi très prisée par les corps de police et les agences de renseignement et de sécurité. L'an dernier, un centre commercial de Québec avait aussi fait parler de lui, alors qu'il comptait mettre à l'essai un système de reconnaissance faciale visant à personnaliser l'expérience de magasinage de ses clients. La plupart des téléphones intelligents offrent une option de déverrouillage par reconnaissance faciale. Bref, cette technologie s'installe de plus en plus dans nos vies. C'est ce qui a amené la Commission de l'éthique en sciences et en technologie à aborder les enjeux que soulève la reconnaissance faciale dans le cadre de sa commission jeunesse cette année. Et pour nous en parler, je suis avec Dominique Liche, conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors Dominique, les cégepiens qui ont participé à la commission jeunesse se sont rencontrés pour discuter de reconnaissance faciale plus tôt en janvier et leurs conclusions seront rendues publiques plus tard ce printemps. Mais que pouvez-vous nous dire de la reconnaissance faciale et des questions éthiques que nous devrions prendre en considération aujourd'hui? Oui. Bien, avant tout, la reconnaissance faciale, ça repose sur un ensemble de technologies. Donc, c'est pas juste une seule technologie, c'est vraiment un lot. Là, ça va des caméras, évidemment, qui soutiennent tout ça, aux infrastructures réseau pour la transmission de données. Essentiellement, on parle quand même de développement d'algorithmes d'intelligence artificielle qui sert à identifier des individus ou à confirmer leur identité. Donc, par une analyse des visages, il y a un algorithme qui va déterminer un ensemble de points de référence sur la morphologie du visage qui va comparer avec de nouvelles images qui vont lui être soumises pour permettre ensuite d'identifier la personne en comparant justement les ensembles de points ou même tenter d'inférer là, quelles sont les émotions de la personne, par exemple. Donc, reconnaissance faciale, ça peut être ajouté à un système de caméras des existants. Ça peut être aussi être utilisé par des gestionnaires de réseaux sociaux pour identifier automatiquement des personnes présentes sur des photos. On en parlait en introduction. Mais au-delà de l'aspect là, purement technologique, c'est surtout la variété des usages possibles ou projetés qui fait réagir. Certains de ces usages-là étant nettement plus controversés que d'autres, évidemment. Et ce sont des technologies de reconnaissance, d'identification des personnes qui peuvent servir à faire de la surveillance. Alors, j'imagine que la protection de la vie privée est au cœur des préoccupations éthiques. Oui, en effet, on rencontre des questions qui peuvent déjà se poser avec les caméras de surveillance. Donc, à quel point on peut accepter d'être épié dans l'espace public, par exemple, ou est-ce que c'est acceptable de soumettre des personnes mineures à une telle surveillance, vu que c'est difficile de contrôler qui s'expose exactement au réseau de caméras et à la reconnaissance faciale déployée de cette manière-là. Puis avec la collecte, éventuellement aussi le partage, le croisement de données pour alimenter le système de reconnaissance faciale, on peut aussi se demander si notre visage, ou en fait non, les multiples points dans lesquels il est décomposé par l'algorithme, donc si notre visage n'est pas utilisé à des fins auxquelles on n'aurait pas d'emblée consenti. Il y a un exemple, dans l'exemple chinois qui sert, on pourrait dire, de référence ou même de repoussoir éthique. On sait que l'État chinois dispose d'un large réseau de caméras de surveillance qui utilise la reconnaissance faciale pour alimenter un système de crédit social, donc où les individus obtiennent une cote selon qu'ils adoptent un bon comportement ou non, un comportement défini par l'État, évidemment. Mais donc, en plus de la surveillance, la reconnaissance faciale aussi, ça peut être utilisé à des fins de recherche, donc en psychologie, en marketing, par exemple, ou à des fins de divertissement. Puis chacune de ces utilisations-là va soulever des enjeux différents, ou du moins des degrés différents. Et décortiquons maintenant ces usages. Alors, quels sont-ils? Quels sont leurs enjeux, en fait? En fait, il y a d'abord des usages qui impliquent l'identification à proprement parler des personnes. Donc, premièrement, on peut chercher à vérifier l'identité d'une personne. Donc, la question à laquelle la reconnaissance faciale répond à ce moment-là, c'est est-ce que la personne qui est devant moi est bel et bien la personne qu'elle prétend être. Donc, c'est quelque chose qu'on fait en fait régulièrement, en comparant visuellement le visage d'une personne devant nous avec, par exemple, une carte d'identité là, qu'elle nous tendrait pour déterminer si elle peut rentrer dans un avion, si elle peut aller voter lors d'une élection, etc. Donc, dans un cas comme ça, d'automatiser essentiellement quelque chose qui se fait déjà. Donc, la validation de l'identité d'une personne qui se ferait par un algorithme plutôt que par un agent de sécurité. Donc, deuxièmement, on peut chercher à identifier une personne dont on ne connaîtrait pas d'emblée l'identité. Donc, la question à laquelle on essaie de répondre à ce moment-là, c'est qui la personne devant moi? Effectivement. Donc, cette personne-là, en fait, dans ces cas-là, ne cherche pas nécessairement à se faire reconnaître, mais nous, on veut la reconnaître pour une raison ou une autre. Donc, dans la vie de tous les jours, on pourrait penser à le faire en comparant des photos de profil sur des médias sociaux avec le visage d'une personne qui nous serait inconnue, assise en face de nous, dans un lieu public. On peut imaginer que ça nous prendrait un temps assez fou là, de le faire, nous, humains, mais un algorithme pourrait faire ça en moins d'une seconde. Donc. Et bon, déjà, on peut sentir qu'une des deux options est peut-être un peu plus intrusive, là, quand on peut découvrir l'identité d'une personne qui cherche pas elle-même à se faire reconnaître. On peut aussi avoir comme intuition que c'est toujours un peu plus intrusif quand il y a l'identification d'une personne, parce qu'on nage à ce moment-là directement dans tout le lot des renseignements personnels, qui sont essentiellement ce qui est protégé en ce moment par nos lois de gestion des données. Mais comme on va le voir, là, c'est peut-être un peu plus complexe que ça. En fait, il y a d'autres usages aussi, au-delà de l'identification, qui peuvent être problématiques. Oui, parce que la reconnaissance faciale peut servir à détecter et analyser des visages, bon, sans identifier les personnes, mais en révélant quand même des choses assez intimes comme les émotions, les traits de personnalité. Alors, comment est utilisée cette information par la suite pour nous orienter vers certains produits, pour déterminer si on doit faire l'objet d'une fouille, etc.? En fait, c'est préoccupant, même si d'emblée, le système ne connaît pas mon nom. Oui, exactement. La reconnaissance faciale peut servir à établir des profils, à prendre des décisions qui vont s'appliquer à des groupes de personnes, donc anonymes, ces personnes-là, mais qui partagent quand même certains traits. Et plus les catégories sont raffinées, plus c'est personnalisé, et plus je peux me sentir visé, même si c'est pas uniquement moi en tant qu'individu qui est visé. Donc, si on cible, par exemple, des hommes blancs dans ma tranche d'âge, plutôt introvertis, qui manifestent des signes d'agacement après 15 minutes passées dans un centre d'achat, ça se peut que je me sente ciblé personnellement, même si bien d'autres personnes sont concernées. Puis en plus, on se donne une meilleure capacité d'action ou de persuasion sur des gens comme moi, ce à quoi je pourrais être réfractaire, même si je suis pas personnellement identifié dans le processus. Donc ça peut être fait dans des contextes qui sont encore une fois très variés, avec des implications éthiques assez diverses, là. Oui, et j'ai mentionné ces contextes de sécurité ou de marketing. Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus, sur les autres contextes, ou peut-être utiliser la reconnaissance faciale? Oui, bien certainement, les contextes pertinents sont, comme vous le dites, généralement les contextes de sécurité, les contextes commerciaux, mais il y a aussi des contextes de santé ou de relations d'aide, aussi de relations de travail, enfin de divertissement, là, qui sont possibles. Donc. Mais les contextes de sécurité, donc, pour les prendre un à la suite de l'autre, là, eux couvrent quand même beaucoup de choses dans le domaine de la reconnaissance faciale. On peut parler d'une utilisation par des corps policiers, par exemple, à des fins d'enquête pour résoudre des crimes qui ont eu lieu, donc en identifiant, par exemple, une personne dont l'image aurait été prise là, par une caméra de surveillance. Peut aussi être utilisé donc par les policiers à des fins prédictives ou de prévention de la criminalité. Donc là, par exemple, si les policiers surveillent une fouille et vont recevoir une notification lorsque un système intelligent va déterminer qu'une personne manifeste un patron de comportement, d'émotion qui serait catégorisé comme étant louche, dangereux ou à risque. Là, donc là, évidemment, il y a des enjeux de profilage, de stigmatisation, de discrimination qui sont soulevés. On connaît déjà certains enjeux là, de corps policiers qui ont fait face à des allégations, comme des accusations de profilage dans les derniers temps. Puis on voudrait surtout pas renforcer ce genre de problème-là avec des systèmes intelligents. Mm-hmm. À l'inverse, on peut toujours argumenter aussi qu'il serait possible de limiter le biais humain justement en améliorant la capacité des algorithmes. Mais bon, il y a un débat ouvert évidemment sur la question. Dans le domaine de la sécurité, on va aussi parler d'une utilisation par exemple pour contrôler l'accès à certains espaces privés en entreprise ou à son domicile personnel, ou des espaces mixtes, donc privés publics, là, comme des zones sécurisées des aéroports. Puis on va pouvoir parler aussi de déverrouillage d'appareils électroniques, là, qui va rentrer dans cette catégorie-là. Donc on voit qu'il y a certains usages qui peuvent être bien banaux, d'autres qui peut-être nous choquent un peu plus a priori, là. Mais il faut aussi penser à leur intégration dans un écosystème plus large de collecte, de partage de données, où l'on peut craindre qu'une réutilisation de ces données-là à des fins un peu plus problématiques, ou un croisement de ces données-là qui pourrait être fait à partir de données qui viennent de d'autres plateformes. Et finalement, donc les contextes commerciaux que vous mentionnez aussi, bon, pour leur part, on va généralement chercher à personnaliser l'offre selon les traits, les émotions, les habitudes des consommateurs, ou à adapter la publicité aux données recueillies par le comportement sur le comportement des consommateurs, sur leurs états d'âme face à certains produits, etc. Donc, il y a des enjeux qui concernent à ce moment-là l'autonomie de la personne. Plus le marketing s'appuie sur une compréhension fine de la psychologie, plus peut-être que ça vient nous chercher, là, et des fois, peut-être qu'on a l'impression qu'on nous comprend encore mieux que nous-mêmes nous comprenons. Et là, évidemment, il y a un sentiment d'atteinte à l'intimité qui peut susciter, là. Et vous avez parlé aussi de contexte de relations d'aide et de relations de travail. De quelles applications est-il question concrètement? Bien, en fait, ici, la reconnaissance des émotions peut servir à venir affiner un diagnostic ou une intervention de la part d'un psychologue, par exemple. Pourrait même utiliser par un chatbot, là, un robot conversationnel qui serait utilisé là, en première ligne pour intervenir auprès de personnes qui auraient besoin d'une assistance, de conseils psychologiques. Donc, il existe déjà des robots conversationnels là, qui peuvent être offerts comme ressources d'appoint, et la reconnaissance faciale pourrait se perfectionner, par exemple, davantage ces outils-là. On peut aussi s'imaginer l'intérêt pour une entreprise d'utiliser des outils de reconnaissance faciale pour trier une grande quantité de candidatures dans le cadre d'un processus d'embauche, donc en accent sur certains traits de personnalité. Mm-hmm. Si on cherche, par exemple, explicitement quelqu'un d'extraverti pour un certain emploi, mm-hmm. Un algorithme pourrait, sur la base de photos qui seraient jointes au CV, la question, est-ce qu'on a le droit de demander de joindre les photos? Normalement, c'est pas supposé. Mais ça s'est déjà fait dans mon temps, moi. Oui, certainement, mais... dans mon temps. Oui. Mais bon, bref, admettons que on a les photos en question. Donc, effectuer une présélection des candidats et candidates, donc sur la base de cet algorithme-là qui rechercherait certains traits. Donc, évidemment, l'idée ici de déléguer cette présélection-là à une machine peut être confrontante. En plusieurs sont probablement pas à l'aise avec cette option-là. Les défenseurs d'une telle application vont plutôt faire valoir que les humains aussi ne sont pas nécessairement compétents pour effectuer cette tâche-là le plus efficacement possible et qu'ils sont souvent eux-mêmes atteints de biais, donc ils n'ont pas nécessairement même conscience. Donc là, la question qui nous est posée par les défenseurs de la reconnaissance faciale va être si une intelligence artificielle, en fait, était plus efficace et permettait de neutraliser les biais, qu'est-ce qu'on en penserait? Donc ici, mais aussi comme l'exemple du profilage policier, par exemple. Et effectivement, ça soulève certainement des enjeux éthiques, tout ça. Oui, et la reconnaissance faciale est vraiment une porte d'entrée... très intéressante vers les enjeux de l'intelligence artificielle plus généralement. Donc, comme les risques de biais intégrés dans les algorithmes eux-mêmes, par exemple, ou les risques de discrimination qui en découlent, le problème de la transparence des algorithmes aussi, lorsqu'il est très difficile ou carrément impossible de savoir exactement pourquoi un algorithme fait une certaine inférence à partir des données qui lui sont fournies. Donc, on a un résultat, mais on n'est pas capable d'avoir la justification. Si on lui demandait de donner ses raisons, il ne pourrait pas nous répondre. Donc, évidemment... comment peut-on bien évaluer par la suite la qualité de cette réponse? La question aussi, qui doit être responsable des systèmes intelligents, des résultats, de leur rapport dans la prise de décision et surtout des conséquences de ces décisions-là dans la vie des gens par la suite? Donc, on sent généralement qu'en déléguant une partie du processus de décision des systèmes intelligents, on dilue la responsabilité humaine. Et ça, c'est plus difficile aussi à accepter. Et jusqu'à quel point est-il acceptable d'utiliser de l'analyse prédictive pour influencer le comportement des gens? À quel moment ça devient une atteinte à leur autonomie? Voilà aussi d'autres questions là, qui sont soulevées ici, de manière qui touchent à l'intelligence artificielle de manière plus large, mais que dont la reconnaissance faciale est un beau cas de figure. Oui, puis on sent aussi, notamment avec l'exemple chinois, que la question de la protection des droits et libertés de la personne, de la protection contre la répression et la surveillance abusive est centrale aussi. Oui, tout à fait. L'exemple chinois permet vraiment de voir l'importance de mettre l'évaluation de l'acceptabilité de la reconnaissance faciale sous le grand parapluie de la protection des droits et libertés de la personne, ainsi que du principe de dignité des personnes. C'est là des valeurs qui sont vraiment au principe, au fondement de nos sociétés, qu'on dit libres et démocratiques. Mm-hmm. Et on voit à quel point ils peuvent être bafoués dans des systèmes qui utilisent des outils de cette nature-là à des fins de surveillance de masse. Et bon, évidemment, c'est pas... On voit que c'est vraiment l'usage et l'institution, l'ensemble de normes, de cadres, de pratiques et de politique qui entoure la technologie ici qui est en cause et donc auquel il faut vraiment faire attention pour éviter des dérapages importants. Mais bon, bref, que bien que ces valeurs-là soient codifiées dans des chartes, par exemple, c'est pas une question qui est probablement juridique. Je pense qu'on doit reconnaître aussi qu'ici, le droit qui est généralement conservateur du fait d'être ancré dans des précédents, qui est peu enclin à intervenir de manière prospective, si on veut, parce qu'il est plutôt à la remorque de l'évolution des sociétés. Le droit demeure mal outillé aujourd'hui pour penser les enjeux éthiques et sociaux des nouvelles technologies. On le voit régulièrement. Et donc, l'éthique possède nécessairement, va précéder, en fait, si nécessairement le droit. Dans le sens où nos réflexions sur ces questions-là aujourd'hui vont devoir servir à formuler les normes de demain pour bien encadrer la reconnaissance faciale et plus généralement l'intelligence artificielle. D'ailleurs, quelles sont les recommandations des jeunes de la Commission jeunesse? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bien, une chose certaine, c'est qu'il leur importe beaucoup que la population soit bien informée des risques, mais aussi du potentiel positif de la reconnaissance faciale. Donc, on ne sait pas réellement, en fait, avec quel système on interagit au quotidien, que ce soit sur le web ou dans la vraie vie, entre guillemets. Là. Mm-hmm. C'est un énorme obstacle, évidemment, au consentement qu'on veut libre et éclairé de la part de la population envers les différents usages qu'on peut faire de ces nouvelles technologies-là. Donc ça, c'est clair que c'est une préoccupation qui était bien exprimée. Je souligne d'ailleurs l'importance de l'occasion que vous nous offrez aujourd'hui d'en parler, en fait, et plus généralement de l'importance de forums qui favorisent la culture scientifique. Mais pour revenir à la commission jeunesse, en fait, les participants ont été très généreux dans leurs réflexions, très généreux de leurs recommandations. En ce moment-là, on est actuellement à rédiger donc le rapport issu de leur délibération. Donc, on a vraiment très hâte de pouvoir partager tout ça lorsque le rapport va être publié. Ça va être au courant du printemps prochain. Donc, vous pouvez suivre nos réseaux sociaux et notre page web là, pour rester à l'affût de Oui, alors c'est ce qu'on va faire. Alors, merci infiniment, Dominique. Merci à vous.